Il est rentré à pied. Il a laissé la voiture en plan. Il a laissé la voiture en plan et en fait, il a même pas. Il a réveillé personne. Genre, il allait se coucher. Bonjour et bienvenue dans le podcast de tous les problèmes. C'est ça. Puisque pour vous, il vient de s'écouler à peu près 10 secondes. Pour nous, il vient de s'écouler 10 longues minutes puisqu'on a déjà commencé un podcast avant. Ouais. Et il s'avère qu'on a eu des gros problèmes techniques. Je pense qu'on va directement changer de câble après cet épisode. C'est embêtant. Ouais. On a des câbles qui sont dysfonctionnels, on dirait. Ouais. Ouais. On ne sait pas lequel. On les a vraiment tous testés à chaque fois. Il y a un autre truc, tout. C'est très bizarre. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est quand même dans le meilleur podcast de l'univers. Donc, contre vents et marées, nous allons nous attaquer à ce nouvel épisode. D'ailleurs, oui. Où est-ce qu'on se trouve, Vincent ? On est dans un garage, et pas n'importe quel garage, puisqu'il s'agit de ton garage, Mathieu. Bah ouais, du coup. Le gars cherchait, est-ce que c'est mon garage ? Ouais, c'est bien mon garage. Bah, il y a quand même ta voiture derrière, tes voitures derrière. Magnifique voiture, d'ailleurs, je pense qu'on... Hop, je peux la montrer, voilà, belle Audi. Une belle Audi, TT. Dont je pense que tu auras le plaisir de parler après. Mais tout d'abord, qui es-tu, d'où viens-tu ? Et surtout, pourquoi un V12 et pas un V8, par exemple ? Alors, bah moi c'est Mathieu, j'ai 23 ans, je crois. Oui, ça c'est beau. Le même que vous. Ouais, 23 ans. Et originaire de la région de Strasbourg, voilà. La belle Alsace. La belle Alsace. Oui. Le Bas-Rhin, bien sûr. Mais je suis pas chauvin. que fais-je? Alors, Que fais-je? Je travaille dans un tout autre milieu que l'automobile. Exact. Je travaille dans la maintenance médicale. Oh. Et j'ai comme passion le monde de l'automobile. Le week-end est ton temps libre, quoi. Le week-end est mon temps libre, c'est exactement ça. Est-ce qu'on peut dire, du coup, que tu soignes ou que tu aides à soigner des gens la semaine et que tu soignes et que tu prends plaisir à utiliser des voitures le week-end? Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ça me semble pas mal. Ouais. Organique, mécanique, t'es sur tous les terrains. Incroyable. Exactement, incroyable. Le gars est un 4x4. Un 4x4, directement. J'arrête de bouger. Attends. Ça, c'est une interférence. Attends, je vais mettre en mode... Ouais, moi aussi. En mode avion. Ouais. Voilà. C'est vraiment très bizarre. Ouais, mais ça, à mon avis, c'était des interférences liées au téléphone, mais bon, okay. On s'excuse. Ouais. On vient d'avoir des interférences incroyables. C'est vraiment, je crois, l'épisode le plus laborieux qu'on a jamais fait. Mais bon, ça fait plaisir, on est quand même... on est bien. C'est avec vrai. Toi dans ce beau garage, puisque c'est un garage de passionnés. Et la passion, les enfants, et les gamers qui nous regardent, c'est quand même le plus important. Et la clé, bien sûr, du succès, bien sûr, de l'avenir. En tout cas, c'est la clé du bonheur, la passion. Oui, donc, c'est vrai. Trouver une passion et travailler. Attends, mais je croyais que tu croyais pas au bonheur. Ah, c'est qu'une illusion, mais en tout cas, on peut essayer de se rapprocher. Quoi, voilà. On peut peut-être le frôler comme ça, le c'est toucher du bout des doigts. C'est très bien. Ah ouais, attention, pas trop, parce qu'après, on est déçu. Donc, bah oui, comme Gollum avec l'anneau. Quoi. Exactement. La déception, c'est une illusion aussi, non ? Bien sûr. C'est tout n'est qu'illusion, rien n'existe. Ouais, exact. D'ailleurs, tout ce qu'on fait, ça n'a aucun sens et a priori, aucun intérêt. Donc, c'est ça, exactement. Bah, allez, arrêtons le. Je vais aller me tirer une balle. Hein. Ça marche. non, allez, arrêtons le nihilisme et parlons plutôt de belles choses. Et en parlant de belles choses, parlons de belles mécaniques. Alors, tu as donc une passion qui est la mécanique. Ouais, l'automobile plutôt. Je sais pas. Ouais, plus l'automobile que la mécanique. Ouais. Alors, quelle est la différence pour les gens qui nous regardent et qui ne savent pas forcément d'ailleurs ? Ouais, c'est lié parce que quand on pense voiture, on pense mécanique forcément. Mais la mécanique, c'est quand on est en panne, et quand on est en panne, c'est la misère. Donc, okay. L'automobile, c'est quand ça roule. Ok, je vois le genre. L'automobile, c'est quand tout va bien. Ouais, voilà, je sais pas si c'était très précis, mais... Non, c'est parfaitement imagé. Ouais. Okay, bon. C'est un peu comme la bonne franquette, on est mi-automobile, mi-mécanique. Ok, ça marche. Et on est très mauvais en mécanique, apparemment, vu tous les problèmes qu'on a eus. Ouais, et tous les problèmes qu'a ma superbe Clio verte citron photo maintenant. Non, franchement, il faut que le monde découvre cette voiture quand même, qui est un vestige de l'humanité, hein. Inscrit au patrimoine mondial. Je me demande comment elle fait pour toujours rouler, vu comment tu la traites. Je pense que c'est la foi. C'est l'énergie du désespoir. Exactement. Elle roule. Oh non. Et vraiment, à force de souffler dedans, ça a propulsé. Bref. Non, ma Clio est une... Mais j'en parlerai après. Non, tu sais quoi, je vais en parler maintenant. Parce que c'est quand même une incroyable voiture. J'ai récupéré donc cette Clio verte de ma très chère génitrice. Bisous maman, si tu nous regardes. il s'avère que c'est une voiture qui déjà est assez déplaisante au premier abord, puisqu'elle est verte... Olive. Est-ce que c'est vrai? Je pense que c'est plutôt un vert indéterminé, tu vois. Ouais, vert, ils ne savaient pas. Ils ont mis un code exa. Le vert, je ne sais pas. Il n'y a pas de... La peinture verte, je ne sais pas. Olive, ça, c'est pas mal quand même. Enfin, Olive, c'est joli. Ça fait bio du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as une voiture bio, mis à part le fait qu'elle doit polluer énormément, mais... Alors, elle est bio, mais c'est pas beau. non, c'est une voiture très spéciale, ne serait-ce que parce qu'il y a un problème par jour, en fait. Peut-être même par heure, en fait. la centralisation des portes ne marche plus. Quand il fait trop froid, la pressurisation du piston pour ouvrir le coffre ne marche pas, ce qui fait que tu ouvres le coffre, et une fois sur deux, ça te fait un coup du lapin. Je me suis déjà fait assommer par mon coffre, juste pour dire, vraiment. C'est vrai. Oui. Le filtre anti-pollution déconne, on va dire, un jour sur 14. Donc il y a un jour où je pollue un max la planète. Je suis vraiment, yes. Bam, bam, bam. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème? Elle ne démarrait pas il y a très longtemps. C'est vrai. Enfin, il n'y a pas longtemps, justement. Oui. La couleur en soi, c'est un autre problème. C'est un très gros problème. La vitre à droite ne s'ouvre plus. La vitre avant ne s'ouvre plus. Et un gros. T'as fait un gros pet sur le pneu, non? Ou sur le... Oui, alors une fois, j'ai été extrêmement pressé d'aller manger avec ma maman, d'ailleurs. Bisous, maman. Bah, encore pour une aller fois, manger. Et voir sa mère, on peut que être... Exactement. Plus pour aller manger, d'ailleurs, vraiment. On va pas, manger, on va pas se mentir. Et du coup, je suis arrivé à toute blinde pour me garer. Et j'ai foncé à toute berzingue. À toute berzingue. Oh là là. Voilà, tel un bolide, finalement. Et donc, 200 km/h dans un trottoir. J'y crois pas. 200 km/h. Si. Dans avec une Clio de verte olive. Oui. Ça se voit, tu fais pas les samedis soirs à Strasbourg, toi, parce qu'il y en a un par rue, hein, des gens comme ça. Non, bref, j'abuse, effectivement, mais je suis arrivé trop vite dans un trottoir. Et ça a fait... Boum. Je suis sorti. J'ai regardé ma roue et elle est cassée en fait. Elle n'a pas explosé. Par quel miracle, je ne sais pas. Mais en tout cas, la jante est vraiment fendue comme ça. Et ça, du coup, tu t'es dit, je vais continuer de rouler comme ça. Exactement, car j'aime le risque. En fait, en toute honnêteté, quand tu as commencé les problèmes, je me suis dit, tiens, ça, je peux t'aider. Mais là, en fait, non. Il y a trop loin. J'ai plus envie. Mais c'est tu vas chez le garage. Fais, non, alors, j'arrête mon métier. Sortez de mon garage, monsieur. Non mais le gars arrête carrément son métier, c'est incroyable. Non mais voilà, effectivement, en fait c'est une voiture qui a fait son temps, parce qu'à la base c'était une voiture de location, donc elle a Europcar sans placement de produit. Europcar, je ne sais pas, je ne sais rien. Non, en tout cas voilà, elle a vu et elle a vécu beaucoup de choses. Donc là, elle arrive vraiment en fin de vie, tu vois, et ça se sent tout doucement. Comme l'être humain, finalement, on a tous une date. Franchement, à chaque fois que tu m'emmènes quelque part avec ta voiture, c'est une aventure. J'ai peur de mourir, finalement. En rentrant, je me dis, est-ce que cette fois c'est la bonne? Ouais, ou pas, mais on en ressort grandi et plus fort. C'est vrai. C'est à ça, chaque tu fois, vois, comme j'ai frôlé la mort, plus fort. Hein. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Bien sûr, bien sûr. Et là, quand même, ça rend bien, bien fort. Ah, ouais. Parce que comme Son Goku, quand je frôle la mort, je deviens plus puissant. Comme les Saiyans, c'est vrai. Voilà. Le prince des Saiyans. Mais en parlant de voitures nulles, parlons plutôt de belles voitures. Toi, là, comme dit, attention, je refais croquer. Est-ce que je peux peut-être juste parler d'une voiture nulle, très nulle que j'ai eue? Oh, est-ce que tu veux parler de ta Twingo? Oh, bien sûr. J'ai hâte. J'avais une Twingo première génération. Oublie pas de parler de la capote chaussette sur la boîte de vitesse. Hein. Oh, moi, j'avais oublié ça. Je m'en souviens très bien de ça. J'avais complètement m'inquiéter un peu. Ouais, non, mais moi aussi, je suis inquiet. D'accord. Ah non, mais ça, c'était la 306, par contre. Mais ah, oui. Bref, j'avais une Twingo, donc première génération. Genre, vous savez, les pots de yaourt absolument immondes. Une brique, on peut dire une brique. Une brique, qui ont des roues aussi fines que... Non, j'ai pas d'analogie. Un vélo. Ouais, voilà, exactement. On va dire ça. Et du coup, à chaque virage, tu te demandes si finalement tu vas pas faire une sortie de route avec la voiture. Ça fait plaisir quand même. Et du rallye avant l'heure, quoi. Exactement. Et une fois, j'ai fait l'erreur. J'étais sur une route enneigée, verglacée même. Et je me suis dit, tiens, je vais voir ce que ça fait. J'étais à 30 km/h, je crois, de juste freiner un coup pour glisser. Je me suis dit, vas-y, je vais glisser un petit peu sur la route, il n'y a personne et tout. Et t'as fait un kilomètre comme ça. C'est bien pour économiser de l'essence, c'est pas mal. Alors, j'ai glissé. Et j'ai fait un 180. Sur l'autoroute Non, c'est pas sur une autoroute, sur une route normale. Ah, sur une route normale. Une route à 80 km/h. Ah oui, pardon, tu l'as dit avant. Et du coup, j'ai fait un 180 et je me suis retourné. J'étais vraiment en face de l'autre côté de la route. Je me suis dit, bah je repars directement. Personne n'a rien vu. C'est exactement ce que je me suis dit. Il y a personne dans les parages. Et du coup, je repartis comme ça en allant encore moins vite. Elle était belle cette voiture. Hein. Non. C'est un euphémisme. Oui. Très gros euphémisme. En plus, pas de d'ouverture centralisée. Et comme je suis très tête en l'air, ça m'est arrivé 3-4 fois de laisser les clés sur le contact, de fermer avec la main, parce que on pouvait fermer la portière de manière plus rapide que de mettre la clé dedans et tout. Donc je fermais la portière à clé. Et les clés étaient toujours dedans. Donc classique. Cher, gros cher. Ah ouais, non, mais même en été, l'hiver, c'était une expérience aussi. Hein, ouais. Bah pas de clim, pas de chauffage. C'était un test de résistance à la température dans les deux cas. Franchement, tu roules avec ça pendant un an. Tu t'es paré pour la vie. Ouais. Tu sais, c'est ton rythme de passage à l'âge adulte. Exactement. Tu sais, si tu arrives à rouler un an dans cette caisse, tu es invincible. Tu auras une Twingo, mon fils. Merci, papa. Et ouais, mon père m'a engueulé salement quand j'avais oublié mes clés à l'intérieur, puisqu'il a dû faire 30 km pour pouvoir me filer les doubles. Les doubles. Tu mérites. J'ai clairement mérité. Ah là là. Enfin voilà, sacrée voiture. Mais est-ce que vous vouliez que je vous parle de la capote chaussette? C'est dans la 306. Alors juste ça, on va pas parler de toutes nos voitures, mais juste ça, parce que c'est quand même... Alors juste après cette Twingo. C'est une technique de drague de Vincent. Ah, okay. Quoi? Toutes les filles qui ramenaient, c'était ça. Oh, tu veux changer les vitesses pour moi? C'était un préliminaire pour lui. Exactement. Non, mais juste après cette horreur de Twingo qui, du jour au lendemain, n'a plus démarré, j'ai eu une 306 que j'aimais beaucoup. J'avais du bon son à l'intérieur. C'est vrai qu'il y avait un bon plaisir. Son. Avoir un bon son dans une voiture, ça fait grave plaisir. Tu chantais en roulant? Ah, énormément. Énormément. Oh là là là là là là, qu'est-ce que je chantais, moi. C'est ouais. L'entrain est là, en tout cas, donc on s'imagine ouais, la scène. Ouais, on hein, s'imagine, ça... ouais. Mais bref, j'avais cette voiture. Et en fait, comment ça s'appelle, le levier de vitesse commençait à s'effriter, en fait. Il se cassait. Okay. Au fur et à mesure que j'utilise la voiture. Et du coup, des fois, je... Car en plâtre, il est oui. En plâtre. je recollais des bouts et tout, et avec de la super glue. Le caca, son levier de vitesse. Il passe les dimanches à faire un puzzle pour... Sauf qu'au début, c'était simple, car c'était cassé en deux, puis ça s'est cassé en quatre, puis en cinq, 8. Puis en ouais. 8, etc. Et du coup, à la fin, c'était vraiment... effrité, genre ça ressemblait plus à rien, les numéros étaient pas au bon endroit. Ouais. Il s'est dit, est-ce que je vais le changer, est-ce que je vais le remettre à neuf? Non, car je l'ai recollé une bonne fois pour toutes, j'ai scotché, j'ai mis énormément de scotch autour, j'ai pris une vieille chaussette que j'avais chez moi et je l'ai mise par-dessus pour pouvoir quand même utiliser mon levier de vitesse comme il se doit. Mais je le sentais quand même se casser à l'intérieur. Mais à donc, quel prix d'ailleurs voilà. Parce que vraiment... finalement avoir est-ce qu'on a une de photo style. De ça? Je crois que j'ai une photo dans peut-être. Mon téléphone, je regarderai. Mais c'était vraiment, genre si tu vois un préservatif, c'est vraiment ça. Tu vois, genre, c'est très bizarre, à chaque fois que j'en fais, je me dis... ce qui me fait passer si un message. Je crois qu'on le voit dans la vidéo Foot ou Foutre. Ah, c'est un vlog, le tout premier vlog que j'ai fait, que personne ne verra jamais. Mais bah, effectivement... peut-être maintenant, du coup. De quoi? Un passage, non? Un passage maintenant, non? Allô, un passage de Foot ou Foutre. Bah, le Foot ou Foutre où on voit ma capote sur la le levier de vitesse. Ah oui, je me souviens. En plus, je me souviens de la blague qu'il y a et tout. Un passage de Foot ou Foutre. On part totalement sur un préservatif pour boîte de vitesse, en fait. Exactement. Ok, bon, on a assez parlé de voitures de l'enfer. Oui. Parlons plutôt de belles mécaniques, belles de belles choses. Voitures, de belles automobiles plutôt, du coup. Automobile, ouais. Voilà. Non, bon. Ouais, tout après, il n'y a pas de mal, hein, t'inquiète. Oui, on peut dire voiture. Je suis désolé. Oui, bien sûr. Un bolide. Non, non plus. Une berline. Toutes les automobiles sont pas comme ça. Ah pardon. Ouais. Une fusée. Non, pas du tout. Un train. Non, mais non. C'est pas la même chose du tout. J'y arrive pas. L'avion, c'est pas non plus. Non, putain. C'était le prochain sur ma liste. Allez, du coup. De ta belle Audi là qui nous fait de l'œil. Ouais. Tu sais quoi, je m'enlève totalement pour qu'on puisse la voir. Attention. Yes. Ouais. Mais je ferai une petite vidéo d'introduction pour montrer un peu le garage et tout parce que c'est cool. Okay. Si vous avez des lieux dans lesquels vous voulez nous inviter pour faire des podcasts comme ça, avec grand plaisir, c'est trop cool. S'il y a de la nourriture gratuite, c'est encore mieux. C'est vraiment un plus. Non négligeable. Vous me faites passer un message. Après, si vous pouvez nous payer en plus. À hauteur de 200 euros minimum. Oui, bon, c'est un petit par personne avec des petits goodies. Enfin, il y a pas de chichi entre nous. Hein. Non. Je t'enverrai l'adresse un PayPal. Un peu de caviar. Non, du coup, effectivement, ta belle Audi. Alors ouais, c'est une voiture que j'ai achetée il y a 2 ans environ. Et initialement, elle devait rester rouge. Et en fait, non. Quand on est passionné d'automobile, Dès que t'as mis un sticker dessus, tu t'es dit. Ah, ouais, c'est comme les tatouages chez les humains, les stickers pour l'automobile. C'est pareil. Un appelle l'autre et on se retrouve avec des gens qui diront que c'est un peu du tuning. Pour avoir fait des alors pas du tuning mais des conventions de tuning quand j'étais plus petit parce que je trouvais ça trop stylé. Bah oui, t'avais Need for Speed comme tout le monde. Bah bien sûr, mais évidemment, tu mettais des néons de partout. Mais en plus, tu vois, faut aller en Lorraine pour ça. Désolé, les Lorrains. C'est vrai. Ouais, du côté. C'est du vrai tuning. Ouais. Ah ouais. Pas mal de tuning quand même. Dans le nord. Parce que justement, la fameuse, le cliché, la légende, tu vois. C'est pas vraiment cliché. Toutes les légendes ont une partie de vérité. Non mais effectivement, en plus c'était des événements claqués auxquels j'allais quand j'étais petit, tu vois. Mais pour moi c'était des tuniques, tu vois. Genre il y avait des bas de caisse, juste il y avait un bas de caisse sur une 306. Ils mettaient des gros boomers derrière pour faire de la grosse musique. J'étais là, waouh. C'est nul en fait. C'était même plus moche que la voiture de base. Vous avez déjà vu un Scénic tuné? Parce que moi oui. Ouais. Et aussi, c'est pas une Fiat multipla tuné. Aïe. C'est beau ça. Wow. Non mais c'est une voiture dans laquelle j'ai eu le plaisir de monter déjà pour le clip. Enfin non, je suis pas monté. Si je suis monté dedans juste pour m'asseoir pour le clip de Jeune Prince de Werco. Exactement. Extrait du clip. Jeune Prince. À chaque fois en fait c'est une émission de télé. Il y a plus de extrait d'une émission de télé. Bien joué. Oui. Oui. Franchement, jusqu'à présent, je le ferai au montage, mais à partir de maintenant, je le fais plus. Vraiment, après, c'est trop. Extrait de Quentin qui ne le fait pas. Stop. On arrête immédiatement. Et effectivement, donc elle apparaît dans le clip Jeune Prince de Werco. Exactement. Et j'ai eu le plaisir de l'accompagner sur un événement que tu organises qui s'appelle le M-Run. Alors c'est est-ce l'autre que tu peux nous en parler partie, bien sûr, l'autre partie de ma passion automobile qui a été développée, dans lequel j'ai développé une activité d'organisation d'événements. Donc c'est typiquement un événement automobile dans lequel on... Regarde, c'est perturbant un peu. Le soin qu'il met à ce qu'on l'entende pas avec la morve dans sa moustache là. Oh, quel crack. Vous m'avez pas entendu, j'espère. Non, ça va. Ah, ok. Vous m'avez juste. On te juge, on te juge. Voilà, ok. Très bien, super. Pardon. Je voulais être discret, merci. Ouais. Non, tu vois, me connaissant, c'est justement bien mal me connaître. Non, pardon, tu disais. Ouais, donc je disais que j'ai développé une activité d'organisation d'événements automobiles et où on fait typiquement des road trips entre passionnés d'automobiles, que ce soit des voitures sportives ou des voitures plutôt classiques. Et le dernier en date, c'était le M-Run 2019, donc de cette année. Mmh. Le 2020 est déjà sorti également. Mais dans qui le remporte déjà un gros succès, le 2020. La moitié des inscrits, je crois, au moment où on enregistre ce podcast. En même temps, je comprends. Si vous aimez, on va encore en parler, mais là, je fais direct de la pub. J'ai été caméraman réel. Pour cet événement, voilà, exactement. Pour faire de la promo et tout, un petit souvenir. Et franchement, c'était trop bien vivre. Moi, je me suis vraiment découvert une passion justement pour toute cette mentalité, parce que c'était vraiment des belles voitures sur des belles routes avec des gens ultra sympas et c'était trop bien. Ça, c'est un esprit en fait qui s'est développé, vraiment. Presque une famille. En fait, malgré que les gens ne se connaissent pas, en 4 jours ils ont appris à se connaître. Ouais, ça nous des liens et tout. Ouais, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Donc, si vous avez une belle voiture ou que vous connaissez quelqu'un qui a une vague, si vous connaissez quelqu'un qui parle français, mettez-le en contact avec moi, s'il vous plaît. Non, si vous connaissez quelqu'un qui a une belle voiture, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. EM Run. Tu nous as dit que c'est le statut ça a le statut d'association. Ouais, exactement. Parce que je fais ça du coup pour mon propre plaisir et la passion, le plaisir d'emmener des gens. C'est payant. Mais les fonds servent en fait à réserver les hôtels et... C'est ça en fait, voilà, on va dire, ça nous sert à payer surtout l'assurance, parce que quand on fait des événements comme ça, il y a des assurances derrière. Il y avait des Lamborghini, hein, si vous jamais vous posez la question, donc tout de suite ça rigole moins. Et, voilà, et du coup le but sert à faire plaisir aux gens, et c'est pour ça qu'on fait ça dans le but de la passion en fait, tout simplement. Ouais, super. Et franchement, à raison, parce que comme dit, moi je connaissais, enfin, j'ai un petit joueur de Need for Speed, voilà, mais c'est pas avec ma Clio 2 que je vais faire des événements comme ça, tu vois. Et pour moi, j'étais justement pas du côté automobile, j'étais plutôt du côté mécanique, ça marchait pas, voilà, si j'ai bien compris, c'était ça, hein, comme tu me l'expliquais. Donc moi, j'étais plus passionné par la mécanique jusqu'à présent, et je me suis découvert un petit amour pour l'automobile, parce que c'est vraiment plaisant d'avoir des belles voitures. Vraiment, enfin, très cool. Enfin, je trouve, après, j'ai peut-être un avis qui n'est un peu pas. Enfin, non, mais c'est vrai. En fait, c'est vraiment une expérience. Ouais, je pense que. Dans les environnements dans lesquels on a été, dans des belles voitures. En plus, moi, j'ai eu de la chance de pouvoir voguer de voiture en voiture, puisqu'il fallait filmer un petit peu tout. Donc, Camaro, il y a eu quoi ? Il y a eu Audi R8. Porsche, il y a eu Mustang et tout. Enfin, ouais, il y a eu de belles voitures, de belles sensations et tout. Et quand tu fais des beaux cols, des trucs. Et alors, on est monté en haut du Grosskreutzer, c'est ça ? Ouais. Ouais, c'est ça. On cherche quelqu'un qui parle allemand aussi également. Si vous parlez une langue, juste bien, contactez-nous, on ne sait rien parler. On ne parle rien du tout. Voilà. Ouais. Non, c'était combien ? 2621, je crois ? Ouais, ou 2400, ou 2300 peut-être, je sais plus, mais au-dessus des 2000. Et genre, on est arrivé tout en haut, il y avait une tempête de neige. C'était vraiment impressionnant et vraiment cool. Vraiment, je m'en souviens très bien de ces 3-4 jours et c'était vraiment très très cool d'avoir participé à ça. Bah, c'était un plaisir partagé de toute façon. C'était vraiment cool, vraiment cool. Oui, moi j'avais envie de parler de trucs par rapport à tout ce qui est assurance et tout. Ça me fait penser à ça. Il s'avère que j'ai vraiment un souvenir, moi, de voiture qui est un accident, tout simplement. Et j'en parle juste après la pub. La pub, la pause. On n'est pas encore. Émission TV. Les pubs arrivent, mais on n'y est pas encore. Extrait d'une pub qui arrive. Et nous voilà de retour après cette course. Cet épisode de pub. De pub, voilà. Exactement. Un jour, il y en aura. Faites pas les malins. Un jour, il y en aura. Un jour, il y en aura. Car on aime l'argent. Et effectivement, je me souviens d'un truc. Une des voitures que ma mère a eu pendant très longtemps et celle de mon enfance, c'est une Saxo. Ça vous parle ou pas ? Oui, le Citroën Saxo. Saxo. Et nous, on en avait une bleue électrique, tu vois. Donc un peu comme ça, mais un peu plus pétant, tu vois. Comme la couleur du micro de Vince. Et elle était un peu pailletée et elle était Bic. C'était une de la marque Bic. Collaboration avec Bic. Ouais. Ah ouais ? Tu fais des stylos, collaboration avec des voitures. En parlant de ça, ma mère avait une Clio 2 que mon frère a planté, mais bref, j'en parlerai après, qui était en collaboration avec PlayStation 2. C'est vrai ? Et ma anecdote de fou qui m'a saoulé de ouf, ils ont proposé qu'on ait, en fait, en achetant la Clio, on pouvait avoir une PS2. PS2, ouais. On n'avait pas de console à la maison. Sérieux ? Ma mère a refusé. C'est vrai ? Oui. Pourquoi ? C'était payé en plus, je pense. Bah, peut-être, mais peut-être un prix réduit ou un truc. Ouais, gros prix réduit, je pense. Mais je me souviens de ça. J'avais vu des 206 Xbox quoi, à une époque. Ah oui, ouais, punaise. Et du coup, j'aurais pu avoir une PS2 chez moi. Et genre, elle est venue avec sa nouvelle voiture. C'était un peu le truc de ouf. On va tous voir la nouvelle voiture. Et elle dit, ah, en fait, ils ont voulu me vendre. Enfin, on aurait pu avoir une PlayStation 2, mais j'avais pas envie que vous repassiez. Le livre, c'est bien mieux. Voilà. Donc, j'ai détesté. Genre, tu vois la voiture arriver. En gros, c'est... On aurait pu avoir une Play 2 ce soir. Exact, exact. Mais non. Bon, aujourd'hui, on peut dire quand même que tu t'es extrêmement bien vengé et rattrapé, car tu es riche et possesseur toutes les consoles. D'un bon millier de consoles, on va pas se mentir. Donc, c'est cool. Le temps fait bien les choses. Mais du coup, cette Citroën Saxo, alors. Voilà, Citroën Saxo bleu, donc la voiture de mon enfance et tout. C'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai passé, tu sais, le... Dans la voiture ? Bah oui, même la voiture, tu sais, vraiment, sur le siège arrière, ça a été long et difficile, mais j'imagine. I made it, tu vois. Et du coup, le grind, hein. Bah, vous connaissez le grind, hein. Quel crack. Quel crack. Et c'est aussi dans cette voiture que j'ai passé donc la dizaine et que j'ai pu passoire que j'ai que je suis devenu une passoire. L'objet au foot, genre gardien de but qui est mauvais quoi. J'ai vraiment faim là. Toutes les idées que j'ai c'est par rapport avec la nourriture. Non bref, et donc c'est là que j'ai pu passer du côté passager, hein, la place du mort. Ah voilà, oui, ça fait plaisir. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est beaucoup de souvenirs. Et un jour, on rentrait du McDo et tout, donc menu Happy Meal, tout ça, trop cool. Ouais. Et on s'arrête à un carrefour. Et là, bah, parce qu'il y a des voitures qui passent, là, il n'y en a plus. On s'apprête à redémarrer et là, il y a un choc titanesque. Ouais. Mais vraiment un truc que tu sens dans tout ton corps, tu vois. Et on se retrouve propulsé en deux secondes à genre 20 mètres, tu vois, sur la voie d'en face, parce que c'était un carrefour en T comme ça. Donc nous, on était là. Et là, tu avais donc une voie pour aller à gauche, une voie pour aller à droite et tout. Donc nous, on arrivait par là. Et on nous a tapé à l'arrière et on est arrivé du coup sur la voie d'en face. Heureusement, il n'y avait absolument personne à ce moment-là, parce qu'à la vitesse à laquelle nous a envoyé, vu que c'était une route avec beaucoup de trafic, quelqu'un qui arrive à blinde là-dessus, ça fait une collision, mon pote, je ne m'en serais pas sorti, sûr et certain, tu vois. Ouais. Et le pire, c'est que moi je me suis retrouvé comme ça, les fauteuils ont lâché, ça a été tellement fort que les fauteuils ont lâché et on s'est retrouvé comme ça dos au toit de la voiture. Moi je voyais le ciel et tout, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, je suis mort, ça y est. C'était peut-être le bon moment pour taper une sieste. C'est vrai, et d'ailleurs je me suis endormi 2 heures. Le gars a un accident et on le retrouve endormi au calme. Quoi, c'est bon, je me repose, tant qu'à faire. Non mais voilà, et effectivement donc là immédiatement je comprends pas ce qui se passe et tout, et après t'as du coup l'après-coup et là je commence à pleurer et tout en mode et tout. Et j'ai développé d'ailleurs de l'affection pour cette voiture comme c'était quelqu'un qu'on venait d'assassiner, tu vois. C'est la voiture et tout. Enfin, un enfant, tu vois. Oui. Et en fait, c'était une Allemande qui visiblement a vu la flemme de s'arrêter. Elle gueulait des trucs en allemand. Je sais pas quoi. Bref. Du coup, je sais même pas qu'est-ce que ma mère a gagné. Qu'est-ce que j'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça qu'on a dû changer de voiture et qu'on a acquis cette magnifique Clio verte dont je vous ai parlé au début. Ah, big up à la Clio verte. Voilà. Non, c'était vraiment un souvenir dont je me souviendrai toute ma vie parce que vraiment le choc a été... Je crois, à l'heure actuelle, j'ai vraiment pas eu un autre choc aussi violent. C'est genre vraiment... franchement, pour que les sièges cèdent, ouais. C'est que vraiment, il faut que ça soit puissant, tu vois. Et c'était, on avait l'arrière déchiré, toutes les vitres avaient pété, c'était hallucinant. Et comme dit, on a eu beaucoup de chance que personne vienne à ce moment-là. À ce moment-là, ouais, sur la voie d'en face. Ouais. Mais en parlant de ça, quand mon frère a crashé la Clio 2 de ma mère, en fait, il rentrait à la maison et il y avait une route sur laquelle il y avait des gravillons parce que, en gros, elle allait être refaite, quoi. Mm. Et il a pris un virage comme il l'aurait pris normalement, sauf que... Il a dérapé. Et la voiture a fait des tonneaux et elle s'est retrouvée dans un arbre. Ouais, genre encastré quoi. Ah ouais, carrément, ouais. Putain. Et en fait, il a eu de la chance parce que la voiture était complètement encastrée, mais du côté passager. De l'autre côté, ouais. Voilà, et s'il y avait eu quelqu'un, elle serait sûrement morte. Et paix à son âme. Ouais. Voilà, cette exactement. Personne qui n'est pas morte, paix à son âme. Et comme il rentrait à je sais pas, 2h du matin et tout, et que tout le monde dormait, il est rentré à pied. Il a laissé la voiture en plan. Et en fait, il a réveillé personne. Genre, il est allé se coucher. Parce qu'il voulait pas annoncer à 2h du matin à ma mère qu'il avait crashé la voiture. Je comprends. En même temps, je peux comprendre. Et en plus, il avait, je crois, une entorse. Il s'était fait une entorse, donc il aurait pu aller tout de suite à l'hôpital ou quelque chose. Mais non, il allait se coucher. Il s'est dit, bon, c'est peut-être un mauvais rêve, tu vois. Si je me réveille, peut-être ça sera passé. Mais, ouais. Putain, mais voilà. Ça c'est vraiment ouf, ça. Incroyable. Moi, j'ai pas souvenance d'avoir fait un accident. Ouais, déjà, ouais. Personnellement, j'en ai pas fait, je touche du bois. Ouais. C'est vraiment du fer. Désolé. Et non, j'ai pas souvenir d'avoir fait de gros chocs comme ça, non. Ouais. Moi, je suis juste sorti de route avec la Twingo, justement. C'était un matin où on avait cours. À l'IUT, ouais. Et en fait, on avait un contrôle d'économie, je me souviens très bien. Et j'étais un peu en retard. Et arriver en retard à un contrôle, ça le fait pas. Mm. Du coup, je roulais un peu vite. Mais sauf que c'était verglacé, donc dès qu'il y a du verglas, ma Twingo, miskin. Miskin la Twingo. Miskin la Twingo. Le titre de l'épisode, miskin la Twingo. Et du coup, voilà, j'allais... Non, quoique, en fait, je disais que j'allais vite, mais non, juste, ça me faisait chier de ne pas pouvoir aller vite, justement, parce que... Parce que Twingo. Parce que Twingo et parce que Verglas. D'ailleurs, une fois sur deux, ma Clio 2 est bloquée à 90 km/h. Voilà, je ne peux pas dépasser ça, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Une sorte de régulateur de vitesse, mais... Intempestif, tu vois. Je vais sur l'autoroute, alors est-ce que cette fois, je pourrais aller jusqu'à 130? Bah ouais, mais c'est pas toi qui décides. Bah ouais, c'est pas toi qui décides. C'est un même, je sais pas si tu connais. Non. Le même, c'est pas toi qui décides, non? Non. Oh, c'était un sacré truc. Bah, ouais. Heureusement que tu connais pas quelque part, parce que c'est vraiment... c'est scandaleux. Mais voilà, j'ai pris un virage à genre 15 km/h. Donc vraiment, j'allais pas vite du tout. Et en fait, je voulais prendre le virage large, mais on voyait pas ce qu'il y avait en face. Ouais. Et je commence à le prendre large et je vois qu'il y a une voiture qui arrive en face. Je me dis, bon, ça va, je vais devoir faire un tout petit écart. Et je fais ce petit écart, et mais ma voiture est partie dans le fossé. Direct. Donc, en fait, il y avait un petit fossé et ma voiture s'est retrouvée les roues arrière au-dessus du vide. Ah oui. Donc, j'étais juste bloqué. Elle avait rien du tout. Hein. Moi, j'étais là, j'ai glissé comme ça. Et ma voiture, elle avait rien. Est-ce qu'elle a fait ce bruit-là? Je pouvais pas partir. Elle a fait... Exactement. C'est le son même. Les Twingo. Hein. Mais heureusement, j'avais une connaissance qui avait un remorqueur. Non, je crois un 4x4 avec un... Un truc à harnais à la fin. Voilà. Un crochet. Ouais, un crochet, exactement. Ouais. Et du coup, il m'a sorti du pétrin. Et j'avais appelé ma copine de l'époque pour qu'elle dise que je serais en retard Parce que t'avais eu un accident et tout. Ouais. Voilà. Ouais. Du coup, le gars a compris quand même. Il a pas fait quoi. Bah, il aurait pu, c'est ta faute. Hein. Donc, c'est vrai. Vincent a eu un accident, il arrivera juste en retard. Il n'y a pas de souci, il est mort. Mais il est mort, mais ça va être un peu loin, mais très en retard. Vraiment, bah, il reviendra plus en fait. Miskin Vincent. Miskin Vincent. Miskin la Twingo, Miskin Vincent. C'est ton épitaphe, Miskin Vincent. Sur la tombe. Ah là là. Ouais. Mais j'ai encore une chose. C'est toujours un peu dans les accidents, mais c'est pas vraiment ça. En fait, j'étais encore en conduite accompagnée. Exact. Et j'avais accompagné mes parents chez mon parrain parce que voilà, ils nous avaient invités à manger et tout. Dans ces moments-là, voilà, mon père, bon, il boit un petit coup, voilà, tranquillement. Parce qu'on est en Alsace. Voilà. On va pas se mentir. Ma mère boit aussi un petit peu. On va pas parce se mentir. Parce qu'on est en Alsace. Parce qu'on est en Alsace. Vincent boit aussi un petit peu. Parce qu'on est en Alsace. J'avais pas le droit. Ah. Miskin Vincent. Miskin Vincent. Elle fait bêler qu'à l'alcool. Hein. Mais en tout cas, du coup, c'est moi qui ai dû reconduire mes parents à la maison. Et j'avais l'habitude de ma Twingo nulle, finalement, toute petite. Et là, je devais conduire la superbe Audi A5 de mon père, l'ancienne Audi A5 de Quel mon père. Quel crack. Et disons que c'est pas le même gabarit. Ouais. Donc, quand on fait des manœuvres, bah, faut faire attention, en fait, finalement. Ce que je n'ai pas fait. Et tu l'as rayé. J'ai rayé tout l'avant gauche de la voiture. Et bah, Miskin Vincent, encore une fois. Miskin l'audit, du coup. Mais on est content que les assurances soient là à ce moment-là, du coup. Bah, en fait. Comment c'est pris en charge, justement? Parce que là, c'est clairement ta faute. Bah, en fait, j'en sais rien. Ouais. Parce que c'était une voiture de fonction. Ah. Et donc, mon père a fait passer ça. Quelqu'un l'a abîmé. Que c'est lui qui a fait une bêtise. Mais une bêtise, genre il a 6 ans. Son boss, désolé, j'ai fait pas bien quand même là. La voiture. La voiture. La voiture, parce qu'il était allemand. La voiture. La voiture. Et du coup, il a fait passer ça comme étant de sa faute auprès de son entreprise, qui a payé les frais, mais bon, qui n'était pas très contente. Quoi. C'est normal. Ça peut se comprendre. Hein. En même temps, il a fallu changer carrément tout le pare-choc avant à cause de ça. Ouais. Donc sur une Audi, c'est pas... Ça me rappelle, en parlant de le fait de se garer, j'ai raté mon permis. Donc je me suis garé dans l'échec. Non. Mais en fait... c'est joli. C'est beau, tu devrais faire rappeur. Je suis un peu poète, c'est vrai. Mesdames. Non, mais plus sérieusement, du coup, j'ai raté mon permis la première fois. Oui, parce que j'ai même pas dit que je l'avais raté la première fois. J'ai juste dit que j'ai raté mon permis. Or, je parle du fait que j'ai une voiture, donc je conduis pas illégalement, vous inquiétez pas. C'est très gentil. Je conduis illégalement. J'ai pas de permis du tout. Tu sais quand t'entends, quand tu chuchotes. Oh merde, merde. Non, mais du coup, effectivement, j'ai raté mon premier permis. Alors, tout se passe bien. Alors, bon, il faut que je parle des séances de code déjà. Moi, j'ai fait le stage, genre une semaine full code. Donc tous les jours, 8h. Tu t'es dit que plus vite c'est fait. 8h, 17h. Je me suis dit, ok, je vais souffrir, mais au moins c'est ça plié, tu vois. Et comme à l'époque j'étais un gros gamer, je jouais à League of Legends tout le temps en fait, ce qui fait que j'arrivais à 8h10 je dormais, je me réveillais vers 11h. Et bah après, il fallait manger, donc tu c'est mangeais, cool. Forcément, bah ouais, et après, digestion. Donc, 14 à, de 14 à 16, encore finalement, c'était une heure de, de code par jour. Mais il s'avère que voilà, bon, j'ai quand même eu mon code et tout, sans souci. Très simple, hein, je trouve le code, l'examen du code comparé au... L'examen est très facile par rapport à l'entraînement. Comment penses-tu? En fait, il n'y a pas de question piège, c'est ça le truc. Ou alors il ouais, y en a. Ouais, ouais, y en a ouais, je me souviens pas en avoir eu, effectivement. Mais bon, bref, du coup, voilà, j'ai mon code, il est temps de passer le permis. Et j'ai la bonne idée de vouloir le passer à Strasbourg, donc dans une grande ville. Hein. Ça, ah, c'est très, là-bas. Très, très bonne toujours idée. Toujours la bonne ça. Idée. Surtout que j'étais pas à l'époque, je n'étais pas du tout à l'aise au volant, tu vois. Déjà, je n'avais pas d'intérêt à conduire, donc j'étais moyennement chaud pour conduire, ouais, tu vois. C'est une question de motivation, du coup. Voilà, tu vois, en mode bon ok je vais avoir le permis, ça me servira à quoi, tu sais, j'étais encore jeune, j'étais au lycée, donc j'en avais même pas besoin pour mon CV ou quoi, pour trouver du taf, donc c'était un peu whatever, tu vois. Mais cela dit, je savais que ça coûtait quand même cher de passer le permis, et du coup je me suis dit bon allez, il faut le passer, il faut le réussir machin et tout. Du coup franchement ça se passe assez bien, nickel et tout. Et justement là où le fait que j'ai pensé à ça, c'est que on a eu la fameuse manœuvre pour se garer. Je ne l'ai jamais réussi. Je passe le permis, je l'ai réussi. Le crack. Oh, le crack. Le crack. J'étais ultra Gucci. Bah, d'ailleurs, l'examinateur a dit oh, quel crack. Il m'a regardé, il a fait quel crack. Quel crack. Très fier. Très mais fier. Mais miskin Vincent, quand même. Mais miskin Vincent. Donc, tu réussis la manœuvre. Donc, voilà, je réussis la manœuvre. Et après, il y a les questions techniques qui m'ont toujours fait paniquer, tu vois. Tout ce qui est mécanique, justement, tout ouais. ça. Et là, bon, encore une fois, aucun problème, tout se passe bien. Donc on repart, machin et tout, et il y a les trois dernières minutes pour rentrer au centre, tu vois. Et là, on arrive à un grand rond-point de Strasbourg qui mène à plusieurs entrées sur l'autoroute et à d'autres routes vers Schiltigheim, Vandenheim, tout ça, vers Strasbourg centre et tout, vers plutôt comment ça s'appelle Bah, donne-nous le nom du rond-point en fait. Ça sera possible. Mais je l'ai pas, Tu sais, c'est le rond-point qui est plutôt ovale en fait d'ailleurs. Celui près du Ikea. Ouais. Ah oui, ouais, ouais. Ouais, tu vois. Ouais, mais du coup, je les connais pas non plus. Et bref, donc on s'engage là-dessus. Donc l'examinateur, il est en mode bon, ok, c'est pas le meilleur conducteur, mais il a réussi la manœuvre. Quel crack. Et là, refus de priorité de ma part. Il y a une voiture qui arrive et j'accélère pour passer devant. Mais vraiment, j'étais en mode bon, j'ai mon permis, c'est moi. Tu vois, j'ai ma Lamborghini, aucun problème et tout. Mais c'est pas que j'accélère comme ça, tu vois. C'est j'accélère et genre on passe devant et le gars forcément klaxonne et tout, enfin un truc l'examinateur il fait mais pourquoi vous l'avez pas laissé, qu'est-ce que vous faites, et là j'étais en panique totale, j'ai dit c'est compliqué là parce que là je savais que c'était éliminatoire, tu vois, et dans ma tête j'étais en panique totale, et du coup la raison que j'ai donnée au gars à ce moment-là, c'est compliqué, et il m'a répondu il m'a répondu ah, c'est compliqué, oui. Là, c'était fini. Game over, tu vois. Ouais, bah, pour l'avoir aussi, ça va être compliqué. Hein. Pour lui, du coup, c'était très simple. Ouais. Il n'avait pas de le donner. C'est ça, exactement. Là, j'étais plus un crack du tout. Pas le crack. Non, c'était assez laborieux. T'étais pas track, même. Exactement. T'es pas track. Voilà. Le mot de la fin. Et puis, effectivement, après, on est rentré. Ça a été les deux dernières minutes où je savais que je l'avais pas. Les plus longues, du coup, ouais. Où j'étais là en mode... Tu sais, je continue de faire tout bien et tout, mais je savais que c'était mort, tu vois, c'était ridicule. Après, je l'ai repassé et je l'ai eu, car je suis un crack. Oui. Et du coup, ça va aujourd'hui, je suis extrêmement Gucci dans ma Clio 2, ça fait plaisir. Pinaise, le permis, moi, aucun problème, car j'étais dans un village finalement. Donc vraiment... Il n'y a personne. C'est quoi, c'est une demi-heure, non Une demi-heure, ouais. Ouais, je crois que bah, c'est une demi-heure. Pendant 25 minutes, j'étais sur une route départementale à juste ne rien faire. C'est très bien. Je checkais mon rétro, c'est tout ce que j'avais à faire. Et par contre, dans les villages, des fois, souvent, il y a des priorités à droite, ça c'est traître. C'est vrai. Mais non, le seul moment où j'ai un peu sué, c'était qu'il y avait un tracteur. Un dépassement, ouais, j'allais dire, c'est le dépassement. Et je me suis dit, oh non, ça y est, faut vraiment dépasser au bon moment. J'y vais pas, j'étais pas trop. Ah putain, ouais, c'est vrai, le Mais non, manœuvre, question technique, tout ça, j'avais. Non, je crois que. D'ailleurs, l'Audi a pu en témoigner. Très belle manœuvre. Mais ouais, il y avait juste un truc, genre, sur les feux, j'ai. Comme je savais pas, en fait, je me suis dit autant dire n'importe quoi. Donc j'ai dit n'importe quoi. bah ça ça fonctionne pas du tout. Ouais, genre où sont les feux de brouillard? C'est là. Clac. Le gars actionne le klaxon et tout. C'est ça le ah là là. Ouais, c'était cool. Tu vois pas de problème avec le permis? Non, le permis, non. Je l'ai fait pareil dans un village et du coup. Pour le coup, lui, c'est un vrai crack. Ça, c'est un crack. Du premier coup. J'ai eu du premier coup, mais bon. Quand on. Enfin, ouais, c'est qu'une question de motivation. Enfin, après, c'est comme. Enfin, toi, t'as peut-être pas eu la motivation, mais du coup, Vincent, peut-être plus, parce que quand t'es dans un village, t'as pas grand chose à faire. Ouais, et c'est ça. Si t'as pas envie, ouais. Si t'as pas de mobylette ou. Bah, justement, c'est. Et c'est ça. Et en fait, du coup, t'attends juste d'avoir 18 ans. Exactement. Pour avoir ton permis. Ouais, et moi, j'attendais que ça. Et tu te prépares à fond pour l'avoir, en fait. Ouais, c'est, ouais. Après, t'es pas à l'abri, forcément, d'une erreur, parce que t'es pas. Enfin, quand t'arrives à 18 ans, sur la route, tu stresses aussi. T'es un enfant encore, donc c'est forcément. Clair. C'est clair. Mais après, une fois que tu l'as, tu dis, bon, bah, ça y est, c'est parti, je peux grandir. Ouais, exactement. Encore le fameux rite de passage à l'âge adulte, sauf que toi, c'était encore. Dans la Twingo, c'est un niveau supérieur encore. Mais justement, après, comme dit, moi, j'avais aucun intérêt parce que je jouais. Il y avait que League of Legends qui m'intéressait à l'époque. Hein. Donc vraiment, voilà. Et après, je l'ai repassé à Haguenau puisqu'on avait cours à l'IUT, donc c'était plus simple le soir de reprendre des cours, de passer l'examen le jour même et tout. Et puis après, effectivement, Haguenau, c'est quand même mille fois plus simple que Strasbourg. Ouais, c'est clair. Et même du coup, s'il y a un milliard de sens interdits dans cette ville, c'est n'importe c'est vrai, quoi. C'est vraiment la ville. C'est un labyrinthe, en fait, je crois. Tu peux que faire un tour comme ça et c'est tout. Et putain, Haguenau, quelle ville incroyable. À partir de 16h, il n'y a plus personne dans les rues. Incroyable. Incroyable. Ouais, c'était Miskin ouf. Haguenau. Miskin Haguenau. Miskin tout. D'ailleurs, Miskin, la pause maintenant. Waouh, incroyable, retour, c'est fou ce qui se passe. C'est fou ce qui se passe. Moi, j'avais juste un dernier truc qui m'est venu pendant qu'on faisait la pause, là, en parlant encore une fois de le fait de se garer. Cette année, j'ai pris un nombre record de PV de stationnement. Oh. Incroyable. Genre, des fois, ça se joue à 2 minutes, juste le temps que j'aille sur l'application Open Go. Des fois, elle ne marche pas. Bien souvent, c'est ma faute. Ouais. C'est tout le temps ma faute. C'est clair. Et genre, vraiment, j'ai dépensé. Sans compter. Sans compter. Alors pas dans de l'investissement, dans des PV. En fait. Donc, vraiment, bah c'est bien, t'enrichis l'État, tu fais en sorte que nos routes soient plus belles, c'est bien. Ouais, j'adore ça, ouais. C'est vraiment trop bien. Non, faut vraiment que je me calme là-dessus. Non, il est pas. J'avoue, faut vraiment que je me calme là-dessus. En fait, c'est même pas que je me gare mal, mais c'est juste que. Je me gare pas. Ouais, tu sais, je suis dans une rue, je skin le code de la route et je me barre, tu vois. Non, mais en fait, c'est souvent. Mais les warnings, ça excuse tout. En fait, les warnings, ça veut dire je peux me garer n'importe où. Voilà, exactement. C'est pour les gens en général, c'est ça. C'est comme quand t'as une. Tu sais, ceux qui ont une grosse voiture, ils sont toujours prioritaires. Ils ont toujours prioritaires, pardon, sur le code de la route, tu vois, sur le bitume, ils font ce qu'ils veulent, machin et tout. Bah là, les warnings, c'est ça pour tout le monde. Non, mais du coup, effectivement, en fait, c'est même pas que je me gare mal, c'est juste que à chaque fois, j'oublie le moment où ça dépasse, tu vois, parce que on met par exemple genre 1h, 2h, 3h, et à chaque fois, j'oublie, et en fait, bah, je reviens et ouais. 17 euros, 35 euros, 1 milliard d'euros. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai eu une amende de stationnement, c'était pour aller pour te rejoindre à Strasbourg. Enfin, non, t'étais dans la voiture avec moi, je crois, et on était 4. Et en fait, je me gare. Enfin, on tournait depuis, je sais pas, 15 minutes dans Strasbourg, près du lieu où on voulait aller, mais sans trouver de place, évidemment. Et là, je vois qu'il n'y a pas de case. Donc, c'est pas une place. Ouais. Mais ça gênait personne. Mmh. Donc, je me suis dit, bon. T'entends le coup. Ouais, t'entends le coup. Qui ne tente rien à rien. Exactement. Sauf que, bah, non, en fait, avec la justice, ça se passe pas pareil. Ça se passe pas comme ça. Avec les pervenches. Exactement. Ça, c'est donc, vraiment un métier, je pourrais. Comment on devient pervenche? Je sais pas. Quand t'as que ça à faire. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. C'est genre, bon, il faut que je. Non, je pense que c'est des gens qui sont frustrés de pas avoir trouvé de place de parking, en fait. Du coup, ils veulent punir tout le monde. Exactement. Miskin, les honnêtes citoyens qui font une erreur. Ça va, ok. Ah, mais. C'est l'épisode Miskin, quand même. J'ai quand même Miskin. Oublié de vous raconter par rapport aux accidents, la fois où j'ai failli mourir, quand même. Ah. Non, en fait, j'avais une fuite de liquide de frein et je savais pas. Ah oui. Et du coup, genre, j'étais là avec ma 306 à freiner n'importe quand, comme toujours. Hein. Genre, sur une pleine autoroute, hop, un coup de frein. On ne sait jamais. Ça fait plaisir. Je fais souvent ça. Des fois, quand on va en voiture ensemble et qu'il est sur la place du passager, des fois, je freine vraiment énormément d'un coup. Il déteste ça. C'est trop drôle. Ouais, ta voiture aussi déteste ça. C'est peut-être pour ça qu'elle ne marche pas. Mais ouais, du coup, j'ai une fuite de liquide de frein. Et c'est pas... J'arrive à un rond-point. Et bah, je vois qu'une voiture arrive. je lui laisse la priorité, évidemment. Donc, je commence à freiner, ma voiture commence à freiner, et d'un coup, genre, elle arrête de freiner. Juste, elle a continué. Alors que moi, j'ai appuyé encore bien plus sûr, fort. Et du coup, j'arrive dans le rond-point, et la voiture aussi. Du coup, j'ai vite braqué à fond à droite et je suis allé un peu de côté dans le fossé du, dans le fossé du rond-point et tout. Décidément, toi, les fossés. Hein t'es abonné ou quoi t'es abonné. Fossé magazine. Exactement. Pour tous les conducteurs hors pair, hein. Les cracks. Fossé magazine, c'est moi. Et voilà, j'arrive de côté et tout. Et je sors de la voiture 5 minutes parce que j'ai eu très chaud d'un coup. Vraiment. C'est clair. Des sueurs froides et tout. Et du coup, j'étais sur le chemin pour aller au travail, sauf que j'étais plus près du travail que de chez moi. Donc, je suis allé au travail en warning, en roulant à 10. Et même en me disant qu'à 10, bah, je pouvais quand même... C'était dangereux quand même. Bah, 10 km/h, ça va assez vite quand même. Hein. Ouais. Vrai. Du coup, je freinais en tirant à fond le frein à main, parce que lui, il fonctionnait plus non plus, mais un peu. Donc, je freinais à fond comme ça. Et voilà, et quel crack. En tout cas, magnifique histoire pour excuser ton absence de talent de pilote. C'est vrai, c'est vrai. En parlant de frein, du coup, bah moi, ça m'est arrivé exactement. De trompe-le-frein. Ouais, de... Quoi ? Non ? Attends, mais quoi ? Te trompe le frein ? Tu quoi ? De te rompre le frein. Ah ! Oh non. Ok. Oh non. Je pensais pas qu'on allait... Je sais que vos podcasts tournaient autour de... Du sexe. Ouais, quand même. Non, mais lui, mais c'est un pervers. C'est un gros pervers, c'est un obsédé. Moi, je vais me moucher. Mouche-toi, ouais. Ouais, bah du coup, en parlant d'histoire comme ça, ça m'est arrivé exactement la semaine dernière avec cette voiture parce que j'ai fait une petite sortie circuit. Ah ! Et bah sur circuit t'es tout le temps à fond ou sur l'accélérateur ou sur le frein c'est et sûr. Au bout d'un moment ça se met à chauffer et à un moment bah t'arrives au bout de la ligne droite tu veux freiner et ça freine plus comme lui ça freine plus et c'est un moment de solitude. Ouais, tu m'étonnes. C'est vraiment un moment de solitude. Comment tu fais ? Tu continues à tourner jusqu'à que tu t'arrêtes ? Non, bah c'était au bout de la ligne droite donc forcément tu vas tout droit et t'essayes de rétrograder, de faire ce que tu peux pour t'arrêter histoire de frein à main, enfin toutes les galères et tout et... T'arrives à t'arrêter quand même, mais tu transpires. Franchement, tu m'étonnes. Quand tu as plus de frein, tu surtout dans une voiture comme possible. Ça, tu vois. Tu transpires, tu fais oula. Putain, ça coûte combien des plaquettes de frein ? Ça va coûter cher, non ? Ouais, c'est un peu plus cher qu'une voiture normale, forcément. Mais après, ouais, on se retrouve sur des prix de entre 1 500 et 2 000 euros pour les freins sur une voiture comme ça. C'est parce que moi, c'est le prix de ma voiture. Quand on a fait le M-Run, justement, il y avait un gars qui s'appelait Thibaut qui faisait tout le temps des burns et big up à Thibaut. Il nous a régalé. Ouais. Les 4 jours, c'était incroyable. Il faisait tout le temps des burns, des gros démarrages en trombe et tout. Forcément, Mustang, voiture américaine. C'était magnifique. Ouais, vraiment, exactement. Et par contre, il a vraiment bousillé sa caisse. Il a dû changer l'embrayage, les plaquettes de frein, tout. C'est la gomme des pneus. Enfin, c'était vraiment un truc de malade. La passion, hein, quand tu tiens. Ah, là. Mais il a remporté un super trophée. Ouais, il a remporté le trophée des plus beaux départs, forcément. Exactement, bien sûr. Ah là, qu'est-ce qui nous a mis bien. Ouais. Et du coup, vos PV, vous avez des... Enfin, à part les PV de stationnement, forcément, mais ça vous est arrivé de... D'autres avec cette vitesse. Moi, bon, une après, fois... avec la Clio, si t'es à 90... Je sais pas. Moi, justement, la seule fois où on m'a arrêté, un policier m'a dit « Vous pouvez pas aller plus vite, en fait. C'est 130, vous êtes à 90, là. » Alors moi, une fois, je venais de Ken dans une forêt. C'est véridique. Et... Ken, c'est-à-dire et... oui. Bah, ça veut dire quoi ? Ken, quoi ? Ken, Le neck. Le Ken. Sexe, quoi. Quoi ? Le quoi, le ? De faire du sexe. Le quoi ? Je comprends pas. Je venais de mettre mon zizi dans... Enfin voilà, quoi. Faire l'amour, oui, voilà, faire l'amour. Vous connaissez ce mème de « je veux faire l'amour » du vieux qui tape à la porte de sa femme. Ouais, c'est ça, tu l'as déjà vu ça, sa vidéo. « Je veux faire l'amour, j'ai envie de faire l'amour. » Oh putain, c'est excellent. Ouais, donc toi, tu fais l'amour. Je croyais qu'on était entre... Mais ça craint, enfin, franchement, je sais pas, Vincent. Ouais, non, mais tu sais, c'est typical rendez-vous Tinder qui n'a aucun intérêt. Et voilà, et il était... Parce qu'on est en Alsace, hein, faut le rappeler. Exactement. D'ailleurs, ils ont bu des bières pendant. Bah oui, pendant toujours. Faut bien s'occuper. Et du coup, bon, il était 5h du matin et j'avais qu'une envie, c'était de rentrer dormir. Et quel ça, héros. Ouais, bah oui, quand même. À 1h. Et je roule un peu vite. Et en plus, genre 2 minutes avant, je m'étais dit, je sais qu'il y a un radar à cet endroit, il faudra que je ralentisse. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai oublié. Et il m'a flashé et par chance... Je sais pas, c'est le fait que la justice se soit dit « Ah, lui, il doit avoir Ken. » On lui il fait vient passer déjà de passer truc. Une mauvaise soirée, pour le coup. Et Du coup, j'ai jamais eu l'amende. C'est vrai. Donc ça fait plaisir. Non, tant mieux. Ouais, j'ai l'impression d'avoir gagné 90 euros. Alors que. Ça me rappelle quelque chose, le podcast là. Ouais. Vincent qui a l'impression de gagner, oui. Mais en fait, c'est pas de la. Ouais, c'est non, une perte que tu gagnes pas. Si, c'est un. Franchement, c'est... Bah, je les ai dépensés directement. Quand je dis que c'est un problème, c'est pas une blague, il y a vraiment un problème avec ça. Quand Vincent fait des promos, il dépense plus en fait. Vraiment, c'est un monde à part. Deux pizzas pour le prix d'une, bah j'en prends deux, j'en prends pas une à moitié prix. Comme ça. Bah t'en oui. as quatre du bah coup, oui. incroyable, pour le prix de deux, bah c'est oui. fou. Tout le temps comme ça, mais bon, on peut se le permettre quand on est extrêmement... oui bon, après je suis Gucci. Fortuné. Riche, voilà. Ouais. Riche, fortuné, soumis à l'ISF. Rappelons-le. Bien sûr. Mais du coup, toi, tu voulais dire un truc au niveau des PV? Ouais, les PV, bah forcément ça arrive à tout le monde, je pense, mais moi, contrairement à toi, moi je les ai eus, tu vois. Enfin, ah, ouais, tous. Ouais, ils sont arrivés. Et franchement, dans la même semaine, sur le même radar. Ah. Ouais, ah. à deux jours d'intervalle. Ah mince. Ah. Ouais. Parce que du coup, c'était à 70, une zone de travaux, tu vois, forcément un truc à la con. Ah oui, et c'est vrai que maintenant, il y a les nouveaux radars ouais, de travaux. Les radars de travaux, ouais, c'est ça. Espèce de ils tank, te mettent là, un panneau 70, ils te mettent le radar, et après, c'est de nouveau 80. Et, les salauds. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, je me suis dit, ça va passer. Et la deuxième fois, ça va passer aussi. et en fait, non, des deux fois. Non, en fait, le truc, c'est arrivé que j'ai pris le radar de début de semaine, et j'ai reçu le premier PV le vendredi, et je l'ai repris le matin même. Et là, je me suis dit, attends, je suis repassé devant ce matin, à 80 nouveau. Et du coup, bah, là, ça n'a pas loupé, bon. Ça m'a fait chier. Aïe, aïe, aïe. Non, ça va, perso, j'ai jamais pris de PV de... D'excès de vitesse, ouais, jamais. Ça va. En même temps, ta voiture va que jusqu'à 90, donc c'est compliqué. Non, et après, quand bah, je... Il y a les villes. Non, c'est vrai. En vrai, ouais, ça... Non, quoi, j'allais dire des choses potentiellement illégales, mais restons-en là, chers amis, gamers. Après, je sais pas si tu te souviens, pour finir avec ce truc-là, ouais. Pendant le M-Run l'an dernier, oui. quand la police allemande a sorti les hélicoptères vrai. pour nous surveiller, on s'est fait une petite escorte. Hélicoptère, ouais. Mais même de voitures de police, parce que si je me souviens bien, il y a plusieurs voitures le premier jour déjà avec la Lambo et tout qui se sont fait arrêter. Qui se sont fait arrêter et qui ont pris qui ont laissé un peu d'argent en Allemagne. Ouais, c'était vraiment. Pour refaire les routes, comme tu disais. Ah ouais, voilà. Bah, ouais, non, généreux. Hein, c'est ça, on est généreux. Exactement. Ça, c'est ça la passion. Hein. C'est ça, c'est des actes de bonté qu'on fait. Ok. Bah écoute les amis, écoute les amis parce que on est dans une seule entité qui est celle du bonheur ici. Si je le rappelle, n'existe pas bien sûr. On est sur illusion. On est sur du 52 minutes. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Ouais, c'était sympa. Ouais. Est-ce que vous avez un dernier truc à dire peut-être? Miskin Vincent. Miskin la Twingo. Miskin l'épisode. Miskin l'épisode. Qui? Il était trop bien. Oui, trop bien. Ah oui, pour un premier podcast qui. Ah, c'est vrai, pour c'est moi, ton du coup, premier ouais, podcast. C'est mon premier. Oh là là là là. Oh, ouais. Non, dis rien. J'allais le dire, mais je vois. Quel obsédé. Ça se lit dans ses yeux. Gros pervers. Ah, mais moi, c'est que mes pensées tout le temps. Bien sûr, on te connaît. Alors, non, du coup, effectivement, peut-être une dernière histoire à raconter très vite, très brève. Ou alors, non, on s'arrête là, non, tranquille. Non, moi, j'ai rien. Ok, bon, on s'arrête tout dit. C'est très sympa. Je pense qu'on peut. Freiner. Ah hein si, j'en ai une. Ah, débrouille. Ah. Attends, je redémarre. C'est parti, yes. Ah bah oui. Mon père nous avait raconté une fois qu'il était... mon père fait beaucoup de routes parce qu'il est commercial. Mm. Attends, il fait des routes? Ouais, il construit les routes grâce à l'argent que tu mets dans les, les stationnements. Voilà. Ah, nice. Bah, très heureux de collaborer avec ton père. il fait du coup beaucoup de routes. Et il roule beaucoup plutôt. Sinon, tu vas encore reprendre. Bref. Non, on t'écoute. Hein, il roule beaucoup. Et. Miskin l'histoire pour l'instant. Ouais. On coupe. On coupe là. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Et en fait, une fois, il était sur l'autoroute et il y avait. Il a vu, genre, une voiture qui fonçait dans une autre, genre, qui l'a poursuivait en fait. Okay. Genre, vraiment, le gars avait quelque chose contre le gars dans l'autre voiture. C'était pas juste, il m'a dépassé, fait chier et tout. C'était vraiment un truc entre les deux. Ouais. Et du coup, le gars lui tapait dans la voiture sur l'autoroute. Ah, sérieux? Ouais. En mode putain, ouais. Et, genre, ça speed, vraiment, genre. Ouais, c'était ça. Et mon père a vu que le gars a eu un bon réflexe parce qu'il a pris une sortie, mais au dernier moment. Au dernier moment, ouais. Comme ça, l'autre, il continuait tout droit et voilà. Et... Putain, incroyable. Mais c'est bon réflexe. Je me dis, ça doit être. J'ai jamais vu incroyable. De séquence d'action comme ça. J'ai déjà vu des voitures en feu. Alors pas qui explosait comme ça en sautant, mais vraiment avec des gerbes de flammes comme ça qui montaient, j'en ai déjà vu sur les autoroutes. Sinon, à part ça, je crois pas avoir vu si bon des gars qui vont à 300 et tout, forcément t'en as déjà vu aussi. Mais quand tu prends une double, t'as l'impression d'être à l'arrêt. Attends, mais il y avait une voiture. C'était okay. un avion ou une voiture, on ne sait pas. Attends, mais vous m'avez dit que c'était pas la même chose avant. Vincent, tu l'embrouilles là, tu l'embrouilles. Arrêtez. Ok. Bon, bah écoutez, moi je pense qu'on est sur du 55 minutes. Ça fait plaisir. On a fait un bon petit format bien digeste et, et tout à fait. Tu parles de manger, moi ça me. Mec, il est là. Il faut qu'on y aille. Il est 19h50, je ne pense qu'à ça. Vraiment, déjà dans ma vie depuis de base. Voilà. Bref. Bon, bah, allons manger. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ah non, prenez soin de vous, c'est le plus important, bien sûr. J'ai inversé, du coup, tu sais. Ouais, plus bien sûr, évidemment. Prenez soin de vous. C'est le plus important. À la prochaine. Ciao. Ciao.